Oyez, oyez, les jeux Mission Patrimoine sont de retour en point de vente et sur fdj.fr. Avec les tickets à gratter illico Mission Patrimoine, vous pouvez gagner jusqu'à 1,5 million d'euros tout en aidant le patrimoine français. Pour chaque ticket acheté, une part est reversée à la Fondation du Patrimoine pour aider à la restauration de monuments en péril. Alors jouez pour vous et pour l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Dites-moi où, dans quel pays est Flora, la belle romaine ? Archipiade, née Thaïs, qui fut sa cousine germaine. À la fin du XVe siècle, le poète François Villon compose la ballade des dames du temps jadis. Certaines viennent de l'Antiquité, comme la déesse Flora, ou Thaïs aussi, hein. La Renaissance pointe le bout de son nez. Dans cette ballade se trouve aussi Héloïse, femme de lettres, et Berthe au grand pied, épouse de Pépin le Bref, mère de Charlemagne. Il y a aussi des combattantes, comme Hérambourg du Maine, Villon le dit clairement, Aramburgis qui tint le Maine. Et dans la ballade se trouve évidemment Jeanne, la bonne Lorraine qu'Anglais brûlèrent à Rouen. Évidemment, nous en discuterons, car le Moyen-Âge n'a pas vraiment oublié celles qui combattent. Hein. Face aux neuf preux, bien virils, il y a les neuf preuses, qui souvent, hélas, ont été écartées de la mémoire chevaleresque, traitées comme secondaires, déconsidérées, autrement dit, comme les preuses. Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous partons à la rencontre des braves, la construction de la figure du guerrier, de la guerrière. Depuis les combattants néolithiques, ceux qui ont inventé la guerre, aux samouraïs, ceux qui se sont inventés un code de l'honneur guerrier, des émissions à réécouter en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, c'est franceculture.fr, ou bien en podcast pour la balado-diffusion des émissions que vous pouvez commenter sur le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire. Aujourd'hui, guerrière, combattante, preuse, elle n'était pas seulement neuf. Il était une fois les chevaleresses. Nous intéressons à ces femmes qui sont parties à la guerre. Avec vous, Eliane Viennot, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes professeuse, je peux le dire? Oui, oui. Professeuse émérite de littérature de la Renaissance. J'insiste, hein, parce que vous avez écrit plusieurs ouvrages, hein, sur cette histoire de la langue et notamment sur la question de la féminisation. Donc, professeuse, c'est un mot qui existait. Il y a des siècles. Voilà. C'est le seul mot que Voltaire ait connu. Il ne connaissait pas professeur. Voilà. Voilà, ni femme professeur. Vous avez enseigné la langue et la littérature française dans les universités de Washington, Seattle, Nantes, de Corse, Saint-Étienne. Et vous êtes l'auteur d'ouvrages autour... Autrice, même. Autrice. Mais vous avez raison, autrice. Auteur, c'est vrai qu'on rajoute un E pour camoufler. Un peu la chose, mais voilà. Il s'entend pas à l'oral. Pas la camoufler. Non, autrice. Et corrigez-moi avec grand plaisir si j'ai tendance à masculiniser victime de la société dans laquelle je produis tous ces mots. Vous êtes l'autrice d'ouvrages autour de Marguerite de Valois, des femmes de la Renaissance, mais plus globalement de l'histoire des femmes avec une série d'ouvrages publiés chez Perrin, La France, les femmes et le pouvoir. Cette histoire longue des femmes et du pouvoir était une histoire à construire. Nous savons que maintenant, l'histoire du genre a une durée, a une vie. L'histoire du genre a elle-même une histoire. Mais cette relation des femmes et du pouvoir nous interroge sur la question des femmes qui combattent. Nous ne sommes pas dans l'anecdotique. Cette émission, dans le cours de l'histoire aujourd'hui sur les guerrières, ce n'est pas pour dire, nous allons traiter comme ça, tiens, des chevaleresses. Non, nous sommes au cœur des questionnements de l'histoire. Oui, dans l'histoire, enfin dans l'écriture de l'histoire, puisque moi je travaillais beaucoup sur l'écriture de l'histoire, il y a un effacement qui est délibéré, hein, à partir du XVe siècle, XVIe siècle, des femmes qui ont combattu, mais aussi des femmes qui ont gouverné, parce que c'est à peu près la même chose, hein, c'est-à-dire l'exercice du pouvoir suprême qui va jusqu'à le fait de porter les armes. Et de mener les peuples. Donc cette histoire, en général, ne nous est pas parvenue parce que elle était bien connue de nos ancêtres, en général, mais voilà, elle est entrée en contradiction avec le récit national, avec la mise au point de la loi salique sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. Ça faisait désordre de montrer que il y avait eu des femmes au pouvoir, qu'il y avait eu des femmes combattantes, et en général, donc elles ont été effacées de des récits historiques. Et notre travail aujourd'hui, c'est de les retrouver et de comprendre pourquoi. Parce que ça s'explique. Enfin, tout s'explique. Hein. Oui. Pourquoi elles ont été effacées et maintenant, il faut les faire revenir parmi nous. Et bien justement, dans cette démarche d'historien, d'historienne, avec nous également ce matin, Martin Aurel, bonjour. Bonjour Xavier. Vous êtes historien spécialiste de l'aristocratie, de la parenté des pouvoirs en Occident, 10e, 13e siècle. Vous êtes professeur d'histoire médiévale à l'université de Poitiers. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé « Des chrétiens contre les croisades, 12e, 13e siècle », c'est chez Fayard, et plus récemment « D'Aliénor d'Aquitaine », paru aux presses universitaires de France. Martin Aurel, justement en écho à ce que nous a dit Eliane Viennot, oui, il y a une relecture à faire de la place des femmes dans l'histoire au Moyen-Âge. Et c'est ce qui est en train de se faire en ce moment. Oui, j'étais très sensible à ce que Eliane a dit, c'est-à-dire que nous sommes tributaires des sources, des documents, les historiens, et ceux qui tiennent la plume au Moyen-Âge, ce sont toujours des hommes, à quelques exceptions près, hein, mais la plupart du temps. Donc ils ont eu tendance à dénigrer cette activité qui n'était pas du tout dans les rôles que voulait la société, qui consistait pour une femme de prendre les armes. Mais enfin, c'est toujours très compliqué. Je pourrais ajouter aussi, par rapport à la fin du Moyen-Âge, la période sur laquelle je travaille, 10e, 13e, n'a pas encore connu l'irruption du droit romain, tel qu'il était conçu à la fin de l'Antiquité, tel que nous l'a légué le Code de Justinien, qui est une législation extrêmement misogyne, qui, sur le plan légal, enlève beaucoup de prérogatives d'attribution à la femme qui est réduite au rang de mineure. Donc il y a plusieurs Moyen-Âge et celui sur lequel je travaille montre très souvent des femmes guerrières. Oui, c'est ça qui est intéressant toujours avec le Moyen-Âge, c'est que c'est un temps long. Le Moyen-Âge, c'est très long. On ne peut pas comparer ce qui se passe au 5e, 6e siècle et ce qui se passe au 12e, 13e et même encore après. Et justement, sur cette question de la place des femmes, un mot apparaît, celui de Salic, la loi Salic. Eliane Viennot, elle vous a intrigué, cette loi, au sens où il manquait presque des études sérieuses sur cette loi d'importance capitale. Vous nous rappelez ce qu'est la loi Salic ? Alors oui, il manquait, il y a quelques années, des études capitales sur, il manquait des études, tout simplement, sur la manière dont on a construit en France une théorie, selon laquelle les filles de rois ne peuvent pas monter sur le trône. Et en fait, alors on l'a appelé la loi Salic pour faire, parce que nos ancêtres connaissent très bien les stratégies de communication, et donc pour faire vieux, hein, puisque les Saliens, c'est les contemporains de Clovis, donc pour faire croire que dès l'origine, dès la fondation du royaume, il y avait une loi qui empêchait les femmes, les filles de rois de monter sur le trône. En réalité, c'est une invention du 15e siècle à peu près, qui correspond à la nécessité de justifier les prises de pouvoir, les coups d'État, en fait, hein, les prises de pouvoir qui ont eu lieu autour du trône de France au début du XIVe siècle et qui ont conduit à la guerre de Cent Ans. Et donc, la guerre de Cent Ans qui, comme son nom ne l'indique pas, a duré plus que 100 ans. Et donc, à force de... Voilà, les gens qui sont montés sur le trône, c'est-à-dire les Valois, à l'occasion de ces coups d'État, n'arrivaient pas à justifier pourquoi, en France, pourquoi on avait éliminé des femmes. Et donc, ils ont fait produire plus ou moins... Au début, ils ont fait chercher les rois, hein, les usurpateurs, les Valois ont fait chercher des preuves, mais ils n'en ont pas trouvé. Et certains hauts fonctionnaires de l'époque ont inventé carrément, hein, cette théorie selon laquelle quand un roi n'a pas de fils ou de petit-fils, enfin d'héritier mâle direct pour hériter de son pouvoir, eh bien on doit aller chercher un cousin, un mâle qui soit directement le plus proche de lui en ligne stricte masculine. Et voilà, et donc c'est une invention, mais en même temps, le moment où on a fait on a élaboré cette théorie qui a duré quand même, ça a été très très long à mettre au point, parce que évidemment personne n'y croyait, et l'histoire était contre, enfin montrait le contraire, hein. Les gens qui ont mis ça au point ont eu une chance extraordinaire de tomber au fond au moment où l'invention de l'imprimerie. Et donc, bah, toutes les histoires de France ont été réécrites pour expliquer que à l'origine il y avait un brave gars, Pharamond, qui avait établi la loi Salique, et que depuis elle avait toujours été respectée, ce qui est évidemment faux. Ben oui, Eliane Viennot, pour illustrer votre propos, pour illustrer cette confiscation du pouvoir par les hommes, je vous propose de retrouver des rois, mais pas n'importe lesquels, les rois maudits. Nous sommes donc en 1972 dans la série de Claude Barma et Marcel Julien, mais ces rois maudits nous conduisent au XIVe siècle quand Gaucher de Châtillon papote avec Philippe de Poitiers, le futur Philippe V. Rien dans nos coutumes n'interdit aux filles de régner. Folie ! Ce serait folie en vérité que de laisser filles monter au trône. Voyez-vous, dame ou donzelle, commander les armées, impure chaque mois, grosse chaque année? J'entends bien que ce qui est volonté de Dieu maintes fois affirmé peut devenir loi des hommes, mais cette loi, nous ne l'avons pas. Allons, la France est trop noble royaume pour tomber en quenouille, et trop remise à femelle. Les lys ne filent point. La situation est hélas fort claire. Si la reine Clémence met au monde un fils, il est proclamé roi. Et si c'est une fille? En l'absence d'héritier mâle, c'est Jeanne de Navarre, fille de Marguerite, qui devient reine de France. Je cherche depuis quelques jours dans de vieux grimoires de la coutume franque. Alors seuls les fils héritaient de la terre. Chez tous les Francs? Chez les Saliens seulement, monseigneur. Eh bien, messire, je vous sais gré de votre précieux avis. La coutume salienne vaut pour race de France. Vous rédigerez dans ce sens le règlement de succession. Les rois maudits en 1972, c'est drôlement bien, hein, parce qu'on sent que c'est à travailler derrière Martin Aurel. Ces rois maudits du XIVe siècle qui ressortent, ou qui inventent plutôt une coutume ancienne, franque, reflètent les préoccupations de leur temps et non pas ce que faisaient réellement les Francs. Et c'est en cela que c'est intéressant, parce que vous êtes spécialiste, j'allais dire, de la période d'avant, XIIe, XIIIe siècle. Quelle était la place des femmes par rapport au pouvoir? Là aussi, vous venez d'écrire à Lyon, Nord d'Aquitaine. Là aussi, il y a beaucoup de représentations qu'il faut casser. Les femmes ont accès au pouvoir. Oui, absolument. Songez à Isabelle la Catholique, encore à la fin du XVe siècle, qui accède au pouvoir sans problème. Mais c'est vrai que l'intronisation d'une femme a toujours posé problème. Elle a provoqué, par exemple, une longue guerre civile en Angleterre au début du XIIe siècle, alors que la seule héritière, l'impératrice Mathilde, la fille du roi légitime, Henri Ier, son frère aîné avait été tué ou noyé au cours d'un naufrage, celui de la Blanche Nef, donc elle était seule, elle aurait dû prendre le pouvoir, mais son cousin, Étienne de Blois, lui a damé le pion à la dernière minute, ça a provoqué une guerre d'une trentaine d'années. Elle a été très active dans les combats, en tout cas, elle supervisait les troupes. Elle était souvent au cœur des villes qui étaient assiégées, mais finalement, elle a dû céder, elle a dû se retirer et elle n'a jamais eu la couronne. Donc, il y a là un vrai problème. Vous parlez de Aliénor d'Aquitaine, qui est sa parente, en tout cas, c'est sa bru, sa belle-fille. Eh bien, Aliénor d'Aquitaine se retrouve la plus importante des héritières d'Occident. Elle possède le duché d'Aquitaine, disons en gros la Nouvelle-Aquitaine actuelle, et elle est une proie désirée par des hommes, et on va penser qu'elle va être tout à fait passive, que on va se battre autour d'elle, et qu'une fois mariée, elle se retirera ou elle passera au second plan. Pas du tout. Aliénor était consciente de descendre d'une grande lignée des ducs d'Aquitaine. Et elle voulait aussi gouverner, elle connaissait mieux que quiconque sa principauté territoriale et elle n'a jamais voulu que d'autres gouvernent à sa place. D'où son conflit très fort avec son second mari, Henri II d'Angleterre, où elle-même fomentera une révolte de la part de ses enfants, dont Richard Cœur de Lion, Jean Santerre, contre leur père. Il y a un abbé du Mont-Saint-Michel qui utilise un très très mot jeu de mots pour dire que Aliénor aliéna ses fils à leur père. C'est très important d'évoquer cette place des femmes par rapport au pouvoir parce que ce qui nous intéresse dans le cours de l'histoire aujourd'hui, ce sont ces femmes combattantes. Combattre, c'est bien sûr porter les armes, porter une armure, mais ce n'est pas que cela aussi, c'est mener des hommes à la guerre. Eliane Viennot, vous avez livré un très beau texte dans un ouvrage collectif intitulé « Combattante, une histoire de la violence féminine en Occident » sous la direction de Martial Poirson. Dites-nous, ces femmes combattantes. Ces femmes combattantes étaient une exception. Si je vous pose la question de manière très simple, y avait-il des guerrières au Moyen-Âge? Pouvait-on voir des femmes en armure? Alors, il n'y a pas de corps féminin de guerrière, mais il y a des femmes qui font la guerre, oui, notamment parce que elles sont chefs de clan, elles sont chefs de fief, elles sont héritières, et donc en tant que telles, comme d'autres dirigeants, elles sont amenées à faire la guerre, parce que la guerre est une activité fréquente hein, de cette période, et donc il arrive qu'elle monte sur, y compris qu'elle monte en armes sur les chevaux et qu'elle mène des. Alors est-ce qu'elle tape elle-même, est-ce qu'elle tue elle-même à l'épée, je n'en sais rien, mais en tout cas c'est une figure assez courante que si on pense à la guerre des deux Jeanne par exemple, parce que les maris étaient pour la succession de la Bretagne. Donc les maris étaient handicapés, arrêtés, etc. Donc les femmes qui dirigent des fiefs ou qui dirigent des trônes sont relativement souvent amenées à diriger des armées. Et on a ça jusqu'au XVIe siècle. Anne de France, par exemple, la fille de Louis XI, qui a dirigé la France à la fin du XVe siècle, pendant la minorité de Charles VIII et encore bien après, elle est sur le terrain de la guerre avec des combattants bien sûr mais elle discute avec la Trémouille par exemple pendant ce qu'on a appelé la guerre folle, et Catherine de Médicis aussi est sur le terrain et elle dit que c'est très important pour elle de montrer l'exemple parce que la France est en guerre, donc elle doit être là, et elle dit aussi que les chefs guerriers sont pas très rassurés, mais elle estime que c'est son devoir. Et ce qui est très important de montrer, c'est que ces femmes ne sont pas des illuminées. Elles ont plein de gens derrière elles qui sont d'accord avec ça. Hein. Et Martin Aurel vient de parler, par exemple, des guerres qui est autour de la puissance de certaines femmes. S'il y a guerre, s'il y a 30 ans de guerre autour de l'impossibilité de Mathilde Lempres d'exercer son pouvoir, s'il y a la guerre de 100 ans, c'est parce qu'il y a du monde et beaucoup de monde qui trouve que les hommes qui se sont installés sur le trône n'avaient pas le droit et qu'il faut donc défendre les droits, les traditions. Hein. Il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans, Sophie Cassagne-Brouquet a écrit un ouvrage intitulé « Chevaleresse, une chevalerie au féminin ». Martin Aurel, cette chevalerie au féminin est une réalité. La notion de chevalerie est quelque chose d'intéressant. Peut-on insérer la place des femmes dans le concept de chevalerie tel qu'il a été reconstruit souvent tardivement? Personnellement, je ne crois pas, hein, mais que la femme est véritablement combattue, sauf dans des cas extrêmes. Tout à fait d'accord avec l'analyse d'Eliane Viennot. Il y a peut-être des chevaleresses. À ce titre, on connaît plusieurs femmes qui ont porté des armures, qui accompagnaient leurs maris ou les hommes, qui supervisaient les combats, ou bien dans des situations extrêmes, en particulier les sièges. Là, on est sûr qu'il y a eu des combattantes. Il y a 2 ans, nous avons commémoré la mort de Simone de Montfort en 1218 au siège de Toulouse. Et les textes sont sans équivoque. Il a été tué par une perrière qui partait d'une catapulte actionnée par des femmes, des Toulousaines, qui se tenaient à l'intérieur de la ville, qui défendaient leurs murs. Vous voyez, les femmes sont beaucoup plus sur les courtines que sur le champ de bataille. Ce qui est intéressant aussi sur le plan des genres, puisque la femme, c'est l'intérieur, l'homme, c'est l'extérieur. Et on a des sociétés de type, entre guillemets, colonial, songez à la Terre Sainte, à la croisade, où les femmes, en l'absence de leur mari, partis à la guerre ou tués très tôt, prennent des responsabilités, surtout des défenses. Ensuite, il y a des fantasmes masculins, il y a des représentations mentales. On songe par exemple à Mathilde de Canossa qui imposait donc l'humiliation de Canossa à l'empereur au profit du pape Grégoire VII. Cette femme, nous dit un moine anglais du XIIe siècle, était similaire à une Amazone et elle combattait. Les Amazones fascinent les gens du XIIe siècle. On traduit le livre, donc l'Iliade, l'Odyssée en français. On les met en roman, d'où le nom de roman. Et il y a donc des schémas mentaux qui se reproduisent ensuite dans l'historiographie, dans la façon de décrire les femmes. Donc je pense que la femme intervient surtout dans des cas extrêmes de défense, mais rarement à cheval, en fourchant les talons, comme un chevalier, en portant la pique, la lance sous son aisselle. Ça, c'est exceptionnel. Enfin, bon, Jeanne d'Arc, on peut en parler pendant longtemps, mais oui. Jeanne d'Arc est exceptionnelle à tellement de points de vue. Ah ouais, Jeanne d'Arc, c'est vraiment un cas particulier parce que Jeanne d'Arc est l'exception. Martin Aurel, la femme qui combat, vous nous le dites, est l'exception. Malgré tout, il y a une réalité qu'il faut insérer dans un contexte plus large, celui de la société médiévale où les femmes ont du pouvoir. C'est ce qu'expliquait Régine Pernoud, archiviste, historienne. Régine Pernoud, c'était en novembre 1982 sur France Inter. Le pouvoir, la nature même du pouvoir à l'époque, c'est davantage un pouvoir qui ressemble un peu à ce que nous appellerions un pouvoir patrimonial. Mais ce sont des femmes qui ont au besoin de diriger des armées, comme Mathilde de Toscane, par exemple, ou surtout qui ont été d'excellentes gestionnaires, comme l'a été Blanche de Castille, à qui tout le monde a attribué le fait qu'elle-même ait son fils et pu financer quantité de merveilleux édifices. Bon, on cite toujours la Sainte-Chapelle, mais il y en a des centaines d'autres, sans demander au peuple aucun impôt nouveau. Je crois que ce qui n'existait pas à l'époque, c'était la notion de métier d'homme ou de métier de femme. Ah, ça, c'est important. N'est-ce pas ? Dans la liste des impôts par métier, des taxes au moment de Philippe le Bel, eh bien, on trouve dans le relevé une femme qui est plâtrière, beaucoup qui sont barbières, c'est-à-dire barbière, chirurgien. Ah oui, c'est-à-dire chirurgien. Oui. N'est-ce pas ? Parce que le barbier, c'est le chirurgien à l'époque. Ouais. Oui. Beaucoup qui sont mairesses, c'est-à-dire médecins. La médecine, non plus le terme nous, à cette époque. Alors, il y avait le mire et puis il y avait la mireste. Oui, Régine Pernoud qui parlait en 1982 sur France Inter du pouvoir des femmes. Eliane Viennot, justement, Régine Pernoud évoque ce pouvoir des femmes dans l'ensemble de la société et pour reprendre l'expression qu'a utilisée Martin Aurel, entre intérieur, extérieur. L'extérieur est presque de manière ostentatoire, c'est l'homme qui se montre au combat. La femme, elle, a le travail, on va dire, intérieur. Elle est dans les coulisses, elle peut mener le combat sans être directement à la tête des armées. Alors, il est clair qu'on n'est pas dans une société égalitaire. Hein. Mais en revanche, on est dans une société pyramidale qui reconnaît, juste après l'homme, qui reconnaît le pouvoir aux femmes. C'est-à-dire que chaque femme, à niveau égal, je dirais, à niveau social égal, n'a pas les mêmes droits, est inférieure, etc. à l'homme, mais elle est supérieure aux hommes de tous les niveaux qui sont en dessous d'elle. Et donc, on reconnaît facilement, on reconnaît le pouvoir des chefs, on reconnaît le pouvoir des dirigeants, des dirigeantes, les femmes puissantes, ben ça fait partie de la c'est naturel dans cette société là que lorsque l'homme n'est pas là, son remplaçant naturel c'est son épouse, ça peut être sa mère, ça peut être sa sœur, c'est quelque chose qui est reconnu. Et moi je voulais un petit peu revenir aussi sur ce que disait Martin Aurel sur les fantasmes des hommes. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de ça, mais moi ce sur quoi j'ai travaillé donc dans l'article du livre dont vous parliez, c'est aussi une instrumentalisation délibérée des familles dirigeantes et notamment des femmes dirigeantes de ces images de femmes combattantes, parce que à partir encore une fois du 15e siècle, 16e siècle, le pouvoir des femmes est mis en cause, le pouvoir des dirigeantes est mis en cause, le pouvoir des reines est mis en cause, et donc elles travaillent à montrer que, alors que les misogynes disent les femmes ne doivent pas, c'est un peu ce qu'on entendait tout à l'heure, femelles ne doivent pas être là, etc., parce qu'elles sont faibles, voilà, tous les mois elles sont handicapées. En réalité, les gens qui sont favorables au pouvoir des femmes, et notamment les femmes dirigeantes, disent le contraire et font dire à l'histoire le contraire, c'est-à-dire utilisent ces images, soit d'Amazones, soit de femmes dont on sait qu'elles ont dirigé dans l'Antiquité, soit des saintes guerrières, etc. Donc il y a tout un travail à la Renaissance sur l'image des femmes guerrières pour essayer de montrer que, bah, oui, elles sont capables, contrairement à ce que disent leurs ennemis ou nos ennemis, pensent les dames de l'époque, les femmes ont toujours été capables, les femmes ont toujours gouverné, les femmes ont toujours mené des armées, etc. Donc il n'y a pas que des fantasmes masculins sur cette réalité quand même minoritaire à l'évidence. Il y a aussi un usage délibéré pour essayer de mener la guerre des idées, la guerre avec, encore une fois, c'est de la communication, hein, la construction de statues, de ces preuses, de récits qui racontent les exploits des femmes au combat, etc. C'est aussi un travail délibéré qui fait un petit peu, voilà, qui brode un peu sur la réalité, mais l'idée est vraiment de convaincre les contemporains que non, les femmes ne sont pas incapables, non, les femmes ne doivent pas être écartées. Les femmes ne doivent pas être écartées, avec une construction autour de l'image de la femme guerrière, de la femme éventuellement en armure, qui nous conduit, dès que l'on parle du Moyen-Âge, à Jeanne d'Arc. C'est vrai, c'est l'archétype et c'est la première image qui nous vient en tête. Je vous propose d'écouter le sublime Christophe. C'était dans le film de Bruno Dumont en 2019, le film Jeanne. Jeanne, chef de guerre, poème de Charles Péguy, de la fin du 19e, mis en chanson par Christophe. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Oh mon Dieu, je savais la douleur des batailles quand les assaillants fous se ruaient à l'assaut. Je savais, oh mon Dieu, la douleur des batailles quand les assaillants fous se ruaient comme un flot. Les assaillants montaient comme un flot qui s'emporte, et l'on sentait si bien qu'ils feraient tout plier. Qu'ils feraient tout plier la muraille et la porte, et que ce flot vivant s'en allait tout noyer. Moi-même, j'avais peur de ce flot qui déborde. Les marteaux écrasaient les casques et les crânes, les flèches se glissaient aux cuirasses de fer. Les marteaux écrasaient les casques et les crânes, les haches entaillaient la cuirasse et la chair. Et j'étais chef de guerre, et tous ces marteaux-là s'abattaient et broyaient pour obéir à moi. J'étais chef de bataille. C'est Jeanne qui parle avec la plume de Charles Péguy et la voix de Christophe. C'est dans le film Jeanne de Bruno Dumont, dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Hellig, avec aujourd'hui à la technique Jacques Hubert, le cours de l'histoire qui s'intéresse aujourd'hui aux guerrières, aux combattantes, aux preuses. Oui, il était une fois les chevaleresses. Eliane Viennot, Jeanne figure à mettre de côté dans cette étude peut-être de la femme qui combat, tellement elle est en marge, tellement elle est originale. Alors elle est en marge, oui, pour beaucoup de raisons, mais notamment parce qu'elle ne représente pas une grande famille. Ce qui est, voilà, les femmes qu'on voyait à la tête des armées, c'était des femmes qui représentaient leur fief, qui représentaient leur pays. Donc elle est très particulière. Mais moi j'aime bien remettre Jeanne dans son époque. Il faut se souvenir par exemple que l'une des voix qui parle à Jeanne, Sainte Catherine, c'est Catherine d'Alexandrie, qui se trouve être une sainte. Qu'on voit dans l'iconographie, dans les statues, dans les peintures à l'époque. Ça fait 40 ans à peu près qu'elle porte les armes. Avant, non. Donc on est dans cette construction délibérée, encore une fois, de figures de femmes guerrières. Et voilà, et c'est Sainte Catherine qu'on représente, qui est représentée dans des peintures, dans des sculptures, etc. Avec d'une part le livre qui est traditionnel et d'autre part l'épée qui parle à Jeanne. Donc et à côté de ça, évidemment, il y a toute une explication. Enfin, il y a, c'est pas juste une comète extraordinaire. Il y a une famille royale qui est pendant la guerre de Cent Ans qui est mise en cause et notamment il y a autour de Charles VII, enfin de tour de oui du jeune hein, Charles VII, il y a sa belle-mère, il y a tous ces gens qui sont toutes ces femmes qui sont d'accord pour restaurer l'image des femmes. Et donc je pense que s'il y avait pas eu ces gens-là, Jeanne n'aurait pas, voilà, elle aurait été juste considérée comme une illuminée. Mais voilà, il y a à la fois Sainte Catherine qui lui parle, il y a une femme très puissante au pouvoir, sa fille, son gendre, etc., qui sont d'accord, et il y a des soldats qui finalement sont d'accord pour la suivre. Oui, c'est factuel. Ça change tout. Ouais, ça change tout. Et justement, Jeanne n'est pas issue d'une grande famille. Vous avez évoqué, Liane Viennot, restaurer une image, donc une image de la femme qui pouvait exister auparavant. Martin Aurel, justement, au XIIe, XIIIe siècle, la femme peut prendre part au combat, mais j'ai envie de dire dans l'ordre du droit, c'est-à-dire elle remplace le mari qui est parti en croisade, elle défend l'honneur de la famille. C'est complètement cohérent dans la conception que nos ancêtres pouvaient avoir de leur monde. Oui, tout à fait. Hein. L'honneur est au cœur de la réflexion de la femme guerrière. Traditionnellement, l'honneur pour la femme est purement passif, elle doit veiller à sa virginité, à sa fidélité conjugale, et puis les hommes autour d'elle sont actifs, se battent entre eux pour préserver cette réputation familiale. En même temps, il y a les constructions plus intellectuelles que le simple fait de l'honneur au sens anthropologique du terme. Eliane Viennot faisait allusion à la Renaissance avec un grand R et à la résurrection de ces figures de preuses, de guerrières de l'Antiquité. Il y a une petite Renaissance qui est celle du XIIe siècle. Dans l'entourage d'Aliénor d'Aquitaine, on a traduit la guerre de Troie, le roman de Troie, Benoît de Sainte-Maure, un clerc du sud de la Touraine, s'est attelé à cette tâche. Et imaginez-vous ce que ça pouvait représenter pour ces femmes à entendre l'histoire de Penthésilée, la chef des Amazones, qui se bat d'égal à égal, en duel singulier, corps à corps, contre Achille. Achille, au moment de la percer, de la tuer, échange un regard, un ultime regard avec elle, et tout de suite il s'aperçoit, mais c'est la femme qu'il me fallait, je suis follement amoureux d'elle, mais c'est trop tard. Vous voyez, on est dans cette ambiance courtoise et en même temps guerrière, et il y a là une très forte influence dans les modèles, puisque la fiction nous influence, dans la façon de vivre des femmes. Et puis en même temps... Allez-y, Martin Aurel. Oui, j'aimerais aussi revenir sur la question de la possibilité que des femmes aient été enrôlées avec des hommes dans des armées. Ça a été très discuté dans le monde scandinave. Les Vikings, il y a même une série, mes étudiants m'en parlent, qui passe sur Netflix ou je ne sais pas où, où il y a beaucoup de femmes guerrières, de Vikings. Et effectivement, il y a 5 ans, on a travaillé à nouveau sur... en squelette, dans une tombe, la tombe de Birka, près de Stockholm, à l'aide de l'ADN. Et on pensait que cet individu, qui avait été enterré avec 2 têtes de chevaux, avec des lances, avec des épées, des boucliers, était un homme, tout simplement, compte tenu de la présence de cette panoplie autour de lui. On s'est aperçu par l'ADN que c'était une femme. Alors, beaucoup d'auteurs d'articles ont dit, donc... il y a des femmes combattantes, puisqu'on a beaucoup de témoignages concordants. Et puis sur le plan de l'imaginaire, il y a aussi les Valkyries qui amènent les guerriers dans le paradis. Donc, il y a eu un grand débat. Hein. Bon, il y a des arguments pour et contre. Peut-être quelques femmes célibataires choisissaient de partir à l'aventure comme piratesse dans des bateaux avec des hommes plutôt que de rester à la maison, d'élever des enfants, de fonder une famille. Mais pour la femme de Birka, d'une part, les eaux traduisent une femme qui était très gracile, hein. Donc ce n'est pas les clavicules, les avant-bras surmusclés qu'on a chez les hommes, ou les fémurs complètement déformés à cause de chevaucher pendant des heures interminables, ou des os avec des fractures réduites, puisqu'on est dans l'aristocratie, qu'on a des médecins ou des mires autour de soi. Donc, premier argument. Deuxième argument, on enterre aussi des enfants avec des armes. Il y a un côté ostentatoire dans la façon d'être enterré. Oui. Donc, il y a un côté, voilà, gaspillage pour mettre en valeur la richesse de la famille. Et puis, c'est vrai qu'au moment de cette découverte, les articles de journaux titraient très facilement « Amazon ». Ah, une Amazon a été découverte. Comme quoi, ce qui fascinait nos ancêtres déjà au Moyen-Âge fascine toujours. Et dès qu'une femme a une arme, elle devient Amazon. Nous étions dans le nord de l'Europe avec ce cas de femme enterrée avec des armes. Je vous propose d'aller dans le sud, cette fois-ci en Terre Sainte, au moment des croisades. Nous restons au XIIe siècle. C'est un récit du moine cistercien Thomas de Froidmont qui raconte les aventures extraordinaires de sa sœur Marguerite de Beverly, qui est partie combattre en Terre Sainte. Pendant le siège qui dura 15 jours, je remplissais toutes les fonctions d'un soldat, aussi bien que je pus. Je portais un pectoral comme un homme, j'allais et venais sur les remparts un chaudron sur la tête en guise de casque. Bien que femme, j'avais l'apparence d'un guerrier, je portais une arme, et bien que rempli de peur, j'apprenais à cacher ma faiblesse. Il faisait chaud et les combattants n'avaient pas de repos. J'apportais à boire aux soldats postés sur le mur, quand une pierre, grosse comme une roue de moulin, tomba à côté de moi. Je fus blessé par l'un de ces morceaux, mon sang se mit à couler. Mais ma blessure fut vite guérie, car quelqu'un y apporta rapidement secours, même si une plaie m'en est restée. Olivier Martineau qui lisait cet extrait qui évoque Marguerite de Beverly, qui met un chaudron sur sa tête d'ailleurs parce qu'elle n'a pas de casque. Il y a une image comme ça liée à des moments intenses de guerre. Nous avons beaucoup parlé de la guerre de Cent Ans. Il y a les croisades également. Est-ce que, Eliane Viennot, ces croisades sont des moments très particuliers pour les femmes au sens où elles peuvent aller combattre, et puis surtout les hommes, eux, ne sont plus là en Europe vu qu'ils sont partis combattre? Ça leur laisse la possibilité alors de prendre les armes ou de diriger des hommes. Alors, d'une part, effectivement, les femmes, les dirigeantes dont les maris étaient partis ont dû occuper, comme dans toutes les périodes de guerre, en fait, ont dû occuper les fonctions de la direction de la famille et de la direction de la terre, qui comprend parfois des épisodes militaires. Ça, on a beaucoup de chroniques qui disent ça très très tardivement, en fait, hein, il faut aussi comprendre que la société de l'époque est une société difficile, dure, où les femmes ne sont pas partout élevées pour être des potiches. Hein. Donc les filles savent manier les armes, en fait. Hein. Même dans le peuple, les filles savent manier les armes. Dans l'aristocratie, c'est très fréquent que les femmes savent manier les armes. Évidemment, ce n'est pas leur job, on dirait, mais le cas échéant. Voilà. Alors, l'absence du mari qui soit en guerre ou en croisade, ben, c'est un moment où on voit. En fait, c'est dans ces moments-là d'absence du mari qu'on voit que tout est prêt, tout est fait pour que les femmes sachent aussi le remplacer. Évidemment, certaines sont parties en croisade avec eux et ont dû, alors ça, selon les cas, hein, faire partager le travail. Bon, souvent aussi les hommes qui partaient en croisade pour 2 ou 3 ans n'avaient pas envie de laisser leur femme. S'ils avaient les moyens, de se faire représenter chez eux et défendre chez eux. Ils n'avaient pas envie de rester tout seuls pendant ou d'être condamnés à être avec des prostituées, etc. Donc voilà, on sait que des femmes ont vécu leur vie de femme, accouché, voilà, pendant 2-3 ans. Hein, ça durait quand même assez longtemps. Mais effectivement, certaines maniaient l'épée. C'est une tradition en fait. Et notamment, pour revenir sur l'histoire des Germains, c'est une tradition germanique que certaines femmes, pas toutes, bien sûr, que certaines femmes maniaient l'épée. Hein. Les historiens latins disent avec effroi à quel point les guerriers voyaient parfois des femmes débouler en face d'eux avec les armes à la main. Donc, bien sûr, c'est minoritaire, c'est exceptionnel, mais c'est pas si rare que ça. C'est pas si rare que ça. Et puis, pour le cas des croisades, c'est vrai que se pose également la question des ordres les ordres monastiques, hein, ces ordres religieux et militaires. Martin Aurel, sur la question des femmes qui sont parties lors des croisades, et vous avez entendu, je n'ai pas dit qu'ils sont partis combattre lors des croisades. C'est un fait? Il y en a qui se sont battus ou pas? Absolument. Et on a beaucoup d'exemples. Le texte superbe que vous avez fait lire, hein, de Thomas de Froidmont, qui parle de sa sœur Marguerite de Beverly. Malgré tout, ce texte est fascinant parce que il met à la première personne sur les lèvres de sa sœur ce discours où elle-même reconnaît sa faiblesse féminine. Vous voyez, elle dit « je veux être une virago, je veux être saeva, je veux être cruelle, je veux être dure ». Donc il y a une sorte d'appropriation de valeurs masculines de la part de cette femme. Remarque aussi qu'elle porte une casserole, un chaudron sur la tête. Donc on est là dans l'ustensile de cuisine, ce qui est réservé traditionnellement à la femme. Elle nourrit, elle est nourricière. Les modèles sont encore très prégnants. Vous avez parlé tout à l'heure de l'épée de Jeanne d'Arc. Jeanne, et c'est vrai que l'épée est l'attribut masculin, si je peux dire, par excellence. Le guerrier, le chevalier surtout, possède cet objet qui est une prouesse technique, qui est une œuvre d'art. Jeanne a trouvé son épée derrière l'hôtel de Sainte-Catherine de Fierbois, près de Tours, miraculeusement, parce que les voies les lui ont indiqué. Cette épée, tout de suite, a perdu miraculeusement aussi sa rouille, et elle l'a utilisée jusqu'au jour où, d'une façon prodigieuse, elle s'est cassée en deux, alors qu'elle courait après une prostituée du camp, pour la chasser du camp. L'épée a frappé du plat, bien sûr, sur l'épaule de la prostituée. Elle s'est brisée aussitôt, alors que le coup n'était pas si fort que cela. Et à partir de là, rien ne marche. C'est Compiègne, c'est l'emprisonnement, c'est le bûcher. Alors, pour revenir à la croisade, c'est vrai, ces femmes... C'est un peu comme une société de frontières à la Far West, hein, Calamity Jane, pardon pour l'anachronisme. Donc ces femmes ont affaire très souvent à l'absence du mari, à la mort prématurée du mari. Ces reines de Jérusalem qui sont mariées 3-4 fois et qui sont porteuses de pouvoir, leur mari devient le chef, enfin le roi de Jérusalem, le pouvoir supérieur de la Terre Sainte Franque, doivent jouer un rôle très important. On a même un exemple d'une princesse d'Antioche, Cécile, qui, à la mort de son mari à la bataille du champ du sang à Guerre Sanguinis, se met à adouber, à accorder la chevalerie, donc c'est le rite initiatique masculin par excellence, à un certain nombre de jeunes qui vont remplacer ceux qui sont tombés à la bataille. On a beaucoup d'éléments, vous faites bien de le remarquer, dans cette société où les femmes prennent des armes, et aussi il y a les ordres militaires. Alors la Terre Sainte tient grâce aux ordres militaires, ce sont des hommes certes célibataires qui tiennent les châteaux, qui une armée permanente, ce qui n'existe pas dans le monde féodal. C'est une société qui a besoin des femmes aussi sur le plan militaire, évidemment. Et puis énormément de symboles, hein, autour de ces femmes au combat. Eliane Viennot, dans toute l'iconographie, il va y avoir un jeu autour de cette figure de la femme qui combat. Et c'est important parce que ça fait que nous avons aujourd'hui certaines représentations de ces femmes au combat qui sont parfois pas exactement proches de la réalité. Oui, c'est lié à ce travail sur l'iconographie, sur les récits qui a été long, hein. déjà donc depuis le temps d'Aliénor, avec le fait que les Amazones sont, voilà, les textes qui parlent des Amazones sont mis dans le public, si on peut dire, en tout cas dans le public lettré. Mais à partir de la Renaissance, ou notamment à partir du moment où il y a l'imprimerie, alors il y a des livres entiers qui parlent de ces femmes, qui montrent des gravures. Il y a des statues qui sont mises, par exemple les statues des Preuses, hein, qui sont affichées sur la façade de certains châteaux, hein, comme à La Ferté-Milon. Donc c'est absolument extraordinaire. Le public voit ça de très loin. Dans les églises également, quand on pense aux verrières extraordinaires qui ont été faites avec les sibylles, dont la sibylle qui devient la guerrière, hein. Normalement les sibylles sont des personnages inventés plus ou moins qui sont liés à l'histoire biblique, à l'histoire qui annonce la venue du Christ, bon voilà. Mais il se trouve que des 10 sibylles à la Renaissance, elles deviennent 12, et il y a une des nouvelles venues qui combat, hein, qui est représenté régulièrement avec l'épée. Parfois il y en a une autre qui attrape l'épée, etc. Donc, et ça, c'est tout le monde voit ça. Tout le monde voit ça dans les cathédrales. Tout le monde voit ça sur la façade des châteaux. Toute la noblesse voit ça dans les salles des châteaux où il y a des représentations des Preuses. Donc ça a fini par, et dans les livres on en parle aussi. Donc ça a marqué durablement l'imaginaire, et notamment Sylvie Steinberg, qui avait travaillé sur les femmes qui combattent jusque au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, montre que, parce qu'il y a des femmes dans les armées, parce que simplement il n'y a pas de conscription, et que dans les armées d'Ancien Régime, on demande aux gens qui veulent bien combattre de s'inscrire. Et donc de temps en temps, il y a des femmes qui s'inscrivent, mais quand on découvre qu'un guerrier, en fait, était une guerrière, souvent elles disent, mais les Amazones, hein. Donc c'est, y compris dans le peuple, ces figures ont essaimé et ont inspiré. 12 sibylles, 9 preuses, et puis disons-le aussi, toutes les femmes qui au quotidien ont dû combattre durant cette belle période qui est le Moyen-Âge. Merci beaucoup de nous en avoir parlé, Eliane Viennot. Je renvoie à cet ouvrage auquel vous avez participé. L'ouvrage s'intitule « Combattante, une histoire de la violence féminine en Occident ». C'est au Seuil et c'est dirigé par Martial Poirson. Et merci beaucoup aussi à vous, Martin Aurel. Et je renvoie à votre Aliénor d'Aquitaine qui vient de paraître aux Presses universitaires de France. Merci à tous les deux. Il est l'heure, dans le cours de l'histoire, de retrouver Anaïs Quien et son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier Mauduit, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui dans le journal de l'histoire, l'histoire franco-algérienne, de grandes ambitions pour des résultats incertains. Les signes de rapprochement entre les États algériens et français se multiplient dans un contexte géopolitique tendu en Méditerranée. Si la conjoncture accélère le mouvement, ce rapprochement passe par l'administration d'un certain nombre de dossiers inscrits dans l'histoire des deux pays. Une histoire commune encore bien difficile à écrire. Le gouvernement algérien, les historiennes et les historiens de la guerre d'Algérie avaient salué une décision importante en septembre 2018, celle de la reconnaissance de la responsabilité de la République française dans la mort sous la torture et la disparition de Maurice Audin en 1957. Emmanuel Macron a franchi un nouveau pas hier dans le travail de mémoire sur la guerre d'Algérie en demandant pardon à la veuve de Maurice Audin, 61 ans après la mort sous la torture de ce militant communiste, jeune mathématicien enlevé en 1957 par des parachutistes français en pleine bataille d'Alger. Maurice Audin, victime du système institué alors en Algérie par la France, ce sont les mots de la déclaration publique qu'Emmanuel Macron a remise en personne à Josette Audin, la veuve du militant anticolonialiste. Cette déclaration très officielle avait fait grincer quelques dents du côté de l'armée française, mais le pas était franchi. On allait pouvoir s'atteler à cette histoire réputée silencieuse et complexe, et dans son élan, Emmanuel Macron avait assuré qu'une dérogation allait ouvrir largement les fonds d'archives pour faire le jour sur l'histoire des milliers d'autres disparus de la guerre d'Algérie, dont Maurice Audin n'était qu'un exemple. Promesse non tenue, puisque dans un climat de défiance lié aux attentats, la consultation des archives secret défense s'est transformée en casse-tête sans fin, après la stricte mise en application d'une directive du secrétariat général de la Défense et de la Sécurité Nationale, la SGDSN, qui n'a pas fait exception à la règle sur le dossier des disparus, malgré la recommandation présidentielle initiale. Mais en admettant que cet écueil soit dépassé prochainement grâce à une autre directive en préparation, le parcours reste semé d'embûches, comme le soulignait le ministre algérien Tayeb Zitouni en 2018. C'est une avancée, peut-être une avancée lente, mais sûre. Il y a le problème des archives. Le service des archives nationales algériennes s'est entretenu avec le service des archives françaises. Il y a eu des discussions au sujet des disparus, des indemnités liées aux essais nucléaires de la France en Algérie. Ils ont aussi évoqué la question de la récupération des crânes de tous les martyrs de la résistance depuis un siècle et demi. 24 crânes, c'est-à-dire 24 têtes de combattants algériens décapités, des combattants contre la conquête française au XIXe siècle, rapportés à l'époque en France comme trophées, ont été restitués à l'État algérien au début de cet été, mais les dossiers franco-algériens sur la reconnaissance des crimes commis pendant la colonisation sont toujours aussi nombreux. C'est d'ailleurs dans cette perspective qu'a été définie la mission de la commission dirigée par Benjamin Stora sur, je cite, « la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie », qui devrait rendre ses recommandations le 20 septembre. Si le moment est opportun, les enjeux stratégiques du moment pourraient peser sur le contenu, la lecture et l'utilisation de ce rapport pour une histoire commune élaborée grâce aux archives, mais pas seulement, comme le montre l'ouvrage très récent de Raphaël Branche, « Papa, qu'as-tu fait pendant la guerre d'Algérie ?». L'historienne y rappelle que le drame de la guerre s'est aussi déroulé dans l'intimité des familles, du fait du silence des anciens combattants, mais aussi et peut-être surtout des questions qu'on ne leur posait pas. Et pour nous, quelles sont celles que nous sommes prêts à poser à notre passé franco-algérien ? Oui, c'est une belle question Anaïs, merci beaucoup. On retrouve le journal de l'histoire et tous les liens utiles sur le site franceculture.fr. Toute la semaine, nous avons pu réfléchir à la figure du guerrier et de la guerrière dans le cours de l'histoire. Et demain, nous continuons avec combattre, punir et photographier dans les empires coloniaux. Oui, comment les combattants des colonies se sont photographiés et comment lire ces photographies où ils se montraient en guerrier. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Viodès, Odile Dressel, Valentine Lovrin, une émission programmée par Maïwenn Guizhou, à réécouter en ligne sur le site internet franceculture.fr ou bien en podcast, c'est la balade de diffusion. Et rejoignez-nous sur le groupe Facebook Le cours de l'histoire.